C'est si bon, c'est sûr pour les cochons. Ah, c'est si bon, ça c'est si bon. Ah, c'est si bon, c'est sûr, c'est pour les cochons. Ça c'est si bon, bon pour les cochons. Ça c'est si bon, c'est bon pour les cochons. Ça c'est si bon, c'est bon pour les cochons.